et ce n'est pas nécessairement Khalid Cheikh Mohamed et les autres détenus qui ont révélé le nom du messager. Le nom du messager a été révélé en fait par des services de renseignement étrangers. Donc, c'est encore une fois, c'est la double question. Est-ce qu'on est pour ou contre la torture? Ça sert. L'autre question, est-ce que ça fonctionne? Dans ce cas-là, ce que tu nous dis, c'est que même s'il aurait utilisé certaines techniques, il n'y a personne qui a vendu le nom du messager de Ben Laden. Absolument. Ils l'ont eu pas. Peut-être par une enquête policière plus conventionnelle sur terrain. Très conventionnelle. Très conventionnelle. Ben, à un moment donné, ça a l'air que pendant quelques années, ils avaient le nom dans des dossiers, mais ils l'ont oublié, ils l'ont retrouvé. Tu sais, souvent, parce que de l'extérieur, on voit ça justement comme un film d'espionnage, mais souvent, une enquête policière, hein, c'est long, c'est plate. C'est long et c'est plate et c'est pas excitant. Et souvent, c'est une chance que quelqu'un fait un lien. Il y a un policier, un enquêteur qui fait un lien entre deux ou trois événements puis il dit, voilà la clé. Il semblerait que de cette façon qu'on aurait tracé le nom du fameux messager et Ben Laden lui-même. Mais encore une fois, la question reste entière. La torture fonctionne-t-elle et est-ce qu'on est pour ou contre? Et bien, vous allez voir le film à Québec à partir de vendredi. Merci beaucoup, Richard. Salut. Merci, bonne journée, 8h17. Alors, on revient à ma question. Donc ça, c'est pour l'histoire de Ben Laden. Il n'aurait pas utilisé la torture pour le trouver. Lui, ben, ils l'ont peut-être utilisé, mais ça n'a rien donné pour capturer Ben Laden. Mais dans d'autres cas, ils ont employé des méthodes semblables à la torture sur des prisonniers. Juste pour revenir sur ma petite question du début avec toi, là. Oui. Si j'ai bien compris, tu réponds oui, toi. Oh oui. Mon histoire, que t'es la chef de police, puis je vous la pose à vous aussi, là. Vous êtes chef de police, il y a une bombe dans votre ville qui peut tuer des enfants, mais vous savez pas où, sauf qu'il y a un détenu dans vos cellules qui appartient à l'organisation terroriste qui a posé la bombe. Il y a de bonnes chances qu'il savent aller où, mais il veut pas parler. Pas le temps de me priver de sommeil. La question, qu'est-ce que vous faites? Je suis vraiment méchante, mine et cruelle, mais moi je commence en y arrachant les ongles. Un par un. Ah là, je pense que tu vas trop loin. Moi. Non. T'étais même plus radical que moi. Oui. Alors moi, voici ma réponse. La quantité de personnes que j'aime dans la ville ici, puis ça se peut qu'il y ait une bombe qui saute, qui en tue plusieurs centaines, plusieurs dizaines, plusieurs milliers dans quelques heures. Si tu arraches les ongles, ouais. Si tu viens de franchir la barrière qui nous sépare d'eux, c'est eux les terroristes, les méchants, les pas fins. Nous, on se dit qu'on n'est pas comme eux. Si on emploie les mêmes méthodes qu'eux autres, aussi cruelles et barbares, on n'est pas mieux. Mais suis-moi là, moi je suis pour qu'on l'interroge de façon forcée, on joue ses mots. Mais faut pas que ça soit aussi cruel et barbare qu'eux. La simulation de noyade, là, c'est bon parce que ça laisse pas de traces à long terme. Ça fait ouais, peur. Ouais, mais ça, je savais ça pas que ça existait, parler. Tu vois. Avant de te répondre, je savais pas que ça existait. Moi, j'ai des critères. Moi, c'est oui à la torture, mais j'ai des critères. Parce que si on revient à notre exemple, là, tous ceux qui ont dit non, jamais il ne faut torturer quelqu'un, on a des principes, on a de la morale, tout ça, sachez que la bombe aurait sauté, parce que l'exemple que je vous ai donné, ce n'est pas de la fiction. L'exemple que je vous ai donné, ça s'est passé dans le sud de l'Inde, dans les années 80, et tout ça est exactement réel. Il y a un chef de police, il y avait une organisation terroriste tamoule qui avait placé une bombe dans une école primaire au sud de l'Inde, et le chef de police a autorisé la torture d'un prisonnier qui faisait partie de l'organisation terroriste. Ils l'ont torturé, il a parlé, et ils ont trouvé la bombe, et ils l'ont désamorcé à temps. OK. Donc, à tous ceux qui ont répondu, non, je l'aurais pas torturé, ben, sachez que la bombe est sautée. Et là, vous allez vivre avec ça jusqu'à la fin de vos jours. Ben là, pas vous, là, parce que vous êtes pas là-dedans, mais admettons que ça aurait été vous, tu sais, tu vis faire avec ça mal à jusqu'à un. La fin de tes jours. Écoute, Sylvain, l'équation est pas compliquée. Faire mal à un. Pour en sauver des centaines. Je suis d'accord avec toi. Mais vu qu'on est du monde civilisé et qu'on n'est pas comme eux, il faut encadrer ça. Et il est là mon point, moi. Parce que, si tout le monde était gentil, c'est un combat, la vie. Malheureusement, on a des adversaires. Si tout le monde était gentil, il n'y aurait pas de terroristes. Si nos adversaires pensaient et avaient les mêmes valeurs que nous, ben, ça serait comme un combat de boxe. T'as boxe sur le ring, et il y a des règlements. On s'entend qu'on peut pas frapper en bas de la ceinture. Excellent. T'es d'accord? Je suis d'accord. À cette heure, on s'entend pas, on se bat. Or, ce n'est pas ça. Les conflits armés dans le monde ne sont pas des combats de boxe. Au contraire, certains adversaires ne respectent rien. Notamment les terroristes, les talibans, cette gang-là, Ben Laden, aucun respect pour l'adversaire. Fait que c'est comme si moi, je m'en vais me battre, je prends mon exemple de la boxe, puis moi, je suis un peu, moi, je suis ben stiff ces règlements, là. Moi, je frappe pas en bas de la ceinture, puis je suis pas de coup de tête, pas de coup de pied, je suis un vrai boxeur. L'autre, il arrive, puis lui, il frappe partout, sans crise. Coup de pied, coup de tête, qui va gagner? Ben. ça avait bien beau être le meilleur boxeur au monde. Si votre adversaire, là, ça peut être un poids plume, s'il décide qu'il frappe partout et qu'il respecte aucun règlement, il va vous battre. Donc, faut que tu te salisses les mains. Mais faut pas que tu le fasses de la même façon qu'eux. Moi, je pense qu'il doit y avoir des critères. Tu dois employer la torture seulement lorsque tu es convaincu qu'il n'y a pas d'autre moyen d'avoir l'information. Seulement lorsque l'information que tu vas aller chercher peut sauver des vies humaines. Seulement si la torture que tu vas employer, tu vas prendre une méthode qui ne laissera pas de séquelles permanentes chez ton ennemi. Tu vois comment? Il y en a peu de ça. Mais ça arrive. Qui laissent aucune séquelle. Ben, la simulation de noyade, la privation de sommeil, puis tout ça, oui. Ben, il va être oui, traumatisé pour le reste de ses jours. Bon, ben là, mentalement, là, regarde, go, là, tu donneras des Prozac un peu, là, pour que ça aille bien, là, je m'en fous qu'il y ait des traumatismes. Faut qu'il y ait un critère de temps aussi. Mais moi, je suis pour la torture, mais il faut qu'on soit capable de faire le débat. Malheureusement, on est incapable, là. Ici, imagine-toi, même aux États-Unis, c'est touché, au Canada, oublie ça. Tu sais, les privés de sommeil, c'est le fun, mais faut que t'ailles le temps pour ça. On est trop niaiseux, nous autres. Il y a quelqu'un qui met une bombe ici, puis si vous avez un détenu qui peut parler, jamais ils vont le torturer. Je vous le dis tout de suite, ça va sauter de tout partout. Mais oui, oui, de temps en temps, c'est plate, mais il faut utiliser la torture. Mais moi, je suis pour qu'il y ait un débat et qu'on mette des normes. Contrairement à nos adversaires. Le Marines américain qui se fait pogner par les talibans, il est torturé à mort. Il lui coupe la tête, là. Ils ont aucun respect de la vie humaine. Nous, on a le respect de la vie humaine, même celle de nos ennemis. Alors, on doit encadrer la torture parce que t'as pas le choix. Et nous, je sais pas pourquoi on est ici. On est tellement, on veut rien savoir de la torture. Mais on lance des bombes sur des ennemis, puis on les tire avec des fusils, mais on les torture pas. Je veux dire, la guerre, c'est pas beau. En partant, la guerre te permet de faire des choses que dans tout autre contexte, tu ferais pas. Ben, ça sera un meurtre. Tu veux quelqu'un, c'est un meurtre. Oui. Mais nos soldats qui vont se battre puis qui tirent sur des talibans, c'est pas un meurtre. Alors, la torture, ce serait une voie de fait grave dans n'importe quel autre contexte. Mais dans le contexte militaire d'un affrontement armé, moi, je serais pour qu'ils mettent des critères et qu'ils arrêtent de faire les hypocrites. Parce que oui, la CIA torture des gens. Mais on n'est pas capable d'en parler à cause des médias et de l'opinion publique qui serait incapable de faire la part des choses parce que il y aurait trop de propagande gauchiste. Pis Guantanamo, ça existe pourquoi, tu penses, Guantanamo? Ben oui. Loin, pas le droit d'y aller. Ben moi, je trouve ça dégueulasse. C'est pas le fun. Il y a personne qui veut Mais t'as pas le choix. Alors, il faut encadrer la torture. Mettre des espèces de critères. Regarde, ça, c'est les miens. Je sais pas ce que vous en pensez. 670-9330. S'il y a des gens qui ont des choses à dire, 670-9330. Moi, ça va faire un petit sondage, moi. Mais ça dépend comment tu le fais. Hein. Pour ou contre la torture? Moi, je pense que tu demandes ça aux Québécois, Québécoises, 90% des gens sont contre. Même 95. Dans l'exemple que tu as donné, là, c'est assez... Pour ou contre la torture encadrée, sans séquelles physiques permanentes, permettant... sachant qu'on a de bonnes chances de sauver des vies humaines. Alors, je sais pas si tu vois, quand je dis orienter le débat, tu sais, les gauchistes vont dire la torture, ça n'a pas de bon sens, pauvre petit taliban, puis les... Ben là, tu viens de tout fucker, là. Mais si tu poses la vraie question, comme on l'a fait un peu tantôt avec notre histoire, sais-tu quoi? Une majorité de Québécois dirait oui. Je suis sûr de ça, moi. Les gens diraient, ben oui, si le gars il a été pogné, attention, pas n'importe qui. Faut que le gars que tu tortures, j'ajoute un autre critère, soit quelqu'un qui a déjà été condamné pour des crimes, là. Tu peux pas torturer un innocent. Un gars que tu ramasses sur le bord de la rue, pis tu penses que peut-être il va t'aider. Si c'est quelqu'un qui a déjà commis un crime, qui bonne chance d'avoir des informations qui peut sauver des vies, et que tu penses que la torture est le seul moyen de le faire parler, go! Torture-le. Ceux qui ont arrêté pour le 11 septembre, les quelques-uns, là, qui ont réussi à arrêter, qui étaient impliqués de près ou de loin avec les attentats terroristes du 11 septembre, il n'y avait pas beaucoup de tâches à leur dossier. Ben, ils étaient reliés au 11 septembre. Ouais, mais avant ça, là... C'est, ouais, je sais, mais ça, c'est une assez bonne tâche, là. Non, je sais. Non, mais... Une fois que t'es opponé avec ça, tu sais, là, tu peux les torturer pour les faire parler s'il y a d'autres attentats qui se préparent, s'il y a d'autres affaires. On va rejoindre Pascal au téléphone, 670-9330. Me donner, mais peut-être de quoi que j'ai pas vu là-dedans ou auquel j'ai pas pensé, pour ou contre la torture. Pascal, bon matin. Oui, bon matin, Sylvain. Je vous écoute. Écoute, je pense que ta question est intéressante. Moi, je suis vraiment opposé à la torture. En fait, je pense que le problème, c'est qu'on part du principe qu'on aura les bonnes informations avec la torture. Dans le cas de ta bombe, ce que tu crois, c'est que si tu tortures la personne, à ce moment-là, tu vas nécessairement, ce qu'il va accepter de dire sur la torture, c'est une bonne information. Et on sait, l'histoire a montré que les gens généralement torturés sont prêts à dire n'importe quoi, n'importe comment, et que c'est une pratique abominable qu'il faut éradiquer des sociétés et que les informations qu'on obtient sur la torture sont mauvaises. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que les États, depuis je ne sais plus quelle année, ont ratifié les conventions de Genève qui interdit les tortures et les mauvais traitements aux prisonniers de guerre. Si ces États-là ont ratifié ces accords-là, c'est parce qu'ils savent que c'est simplement des pratiques inhumaines et qu'on retire rien de ça. Et je pense qu'en réalité... Mais ça donne quoi, Pascal, juste là-dessus, sur la Convention de Genève, t'as un bon point. C'est vrai que le Canada a signé ça, puis que normalement, toute torture de prisonniers, on n'a pas le droit. Mais je reprends mon exemple de combat de boxe, là. C'est parce que malheureusement, l'adversaire qui est en face de nous ne respecte aucune règle. Et que le combat, là... Moi, j'ai bien beau, moi, je suis un boxeur, OK? J'ai signé ma licence, je suis membre d'une commission athlétique, puis j'ai pas le droit de donner exemple de coup de tête, coup de pied ou coup en bas de la ceinture. Mais on me garantit, puis là, je suis dans le ring, là. L'autre en face de moi, il décide de tout faire. Le combat est perdu d'avance si je suis pas capable de m'adapter. J'ai pas le choix. Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais dans ton cas de terroriste, je suis pas persuadé que un fou qui est prêt à se faire sauter dans un avion ou égorger des enfants dans son pays, je suis pas persuadé que c'est parce que tu lui fais une simulation de voyage que finalement l'information qu'il va te livrer va être la bonne pour aller chercher ta bombe. C'est peut-être arrivé dans un cas, mais tu t'autorises en tant que société à ce moment-là à avoir des pratiques inhumaines pour peut-être, dans un cas de figure, espérer avoir une bonne information. Et je pense que toi, en tant qu'État, à ce moment-là, tu t'abaisses et puis tu donnes aussi des exemples et en plus des raisons que les États voyous vont ramasser pour... T'as un bon point sur le fait que je comprends. C'est pour ça que je dis qu'il faut que ça soit encadré. Attention, je suis pas pour la torture free for all. Là. Il faut que tu sois certain que tu as des bonnes chances d'avoir des informations vitales. Est-ce que ça va marcher à tout coup? Je suis d'accord avec toi. Non. Ça se peut que ça marche pas. Si tu t'aperçois au bout de 2 ans que tout ce que tu as fait comme interrogatoire musclé a rien donné, abandonne ça. Mais si tu es capable de sauver une vie humaine, à un moment donné, et l'autre point, quand tu dis t'abaisser, quand on va à la guerre, en partant, Pascal, selon moi, on renonce à certains principes normaux de notre vie quotidienne. Hey, on va aller tuer du monde. Alors, pour moi, torturer, c'est pas pire qu'aller tuer quelqu'un, un autre adversaire, un soldat de... C'est en partant, la guerre est un contexte spécial. Oui, tu sais, là, pour moi, c'est pas s'abaisser. Pour moi, c'est prendre des moyens hors normes. Je pense que la question est complexe, surtout, oui. Puis que c'est un peu presque comme la question de l'arme nucléaire. C'est oui, c'est non, c'est quand, dans quel cas, pourquoi. Moi, je pense que c'est dans l'humanité, c'est des pratiques absolument à éradiquer. Et surtout, je crois que ton intervenant avant a posé la bonne question. C'est que je pense qu'en réalité, ce sont des pratiques qui donnent de mauvais résultats. C'est surtout ça la chose, c'est que humainement, tu t'abaisses au bas fond de l'échelle. Il faut regarder les résultats, c'est d'accord. Efficace. Pascal, merci. On va aller rejoindre Denis qui veut s'en mêler. studio@commercialfm93.com ou 670-9330. Pour ou contre la torture. Denis, bon matin. Oui, bonjour. Je vous écoute. Oui, c'est ça. C'est que tu parlais du boxeur poids plume qui va pouvoir battre un poids lourd parce que justement, il sait que le poids lourd va respecter les règles. Il abuse du fait que eux vont être illégaux. Mais nous, on va respecter les règles humaines. Il abuse de ce pouvoir-là pour avoir, en tant que tel, une puissance contre nous. Exact. Et puis, lorsqu'il est question de sauver des vies humaines, il faut prendre les moyens pour le faire. Et moi, je pense que oui, le nouveau contexte de la guerre... ça se gagne maintenant sur le terrain de l'opinion publique. Et les gens d'Al-Qaïda, Taliban et autres adversaires comme ça, ils savent que nous, malheureusement, ben pas malheureusement, mais on est très surveillés, les gouvernements, par l'opinion publique, puis ils peuvent pas tout faire, puis on respecte les règlements. Alors eux, exactement comme mon exemple du combat de boxe, si on ne prend pas parfois des moyens extraordinaires pour mettre fin à la menace, c'est sûr qu'ils vont gagner. Tôt ou tard, ils vont gagner, parce que eux ont le droit de tout faire. Ben ça, eux, ça donne le droit... Tandis que nous, on veut rester dans les normes humaines. Il faut faire attention à ça. Il faut se protéger. Il faut protéger aussi notre population, là.